suis dans la zone, je suis sur le raté. Où ça parle en cash, où ça parle en pourcent. De la fumée sur le palais. Ils m'ont dit t'es tout pour nous, t'es la mif, t'es le sang. Je suis dans la zone, je suis sur le renté. Gros, ça parle en cash et ça parle en pourcent. De la fumée sur le palais. Ils m'ont dit t'es tout pour nous, t'es la mif, t'es le sang. Bibi, Fefe, t'es l'eau, t'étais la queue pour les liasses. Gucci, LV, Kenzo, j'suis un marbé, donne des balles. T'as perdu un poteau, il est parti là-haut. Tu regardes les étoiles en criant adios. Je me sentais pas de sortir hier, j'étais KO. Elle est bonne, elle a tout, mais j'préfère ma liasse. On les laisse parler. Dédicace à tous ceux en maison d'arrêt. Deux potos qui se battent, faut les séparer. Des rumeurs, y'en a trop, faut les séparer. J'suis toujours, toujours, toujours au quartier. Et j'ai toujours la même adresse dans les papiers. Y'avait la tour, le four, ça court pour les papiers. Et mon amour me dit que j'vais mourir au quartier. Et je me doute qu'on finira sûrement jamais nous deux. J'ai le plein, j'ai pas peur de la route. S'oublier, se laisser dans le doute. J'suis dans la zone, j'suis sur le hanté. Où ça parle en cash, où ça parle en pourcent. De la fumée sur le palais. Ils m'ont dit t'es tout pour nous, t'es la mif, t'es le sang. J'suis dans la zone, j'suis sur le renté. Gros, ça parle en cash et ça parle en pourcent. De la fumée sur le palais. Ils m'ont dit t'es tout pour nous, t'es la mif, t'es le sang. Bibi, Fefe, t'es l'eau, t'étais la queue pour les liasses. Gucci, LV, Kenzo, j'suis un marbé, donne des basses. Elle m'a dit tu fais quoi ce soir, je suis libre. Je suis dans le bâtiment toute la night, tu l'es ouais. 9M calé dans son cœur, je suis fréquemment calibré. Fefe, je me fais pas recal, mais je suis pas le bon chevalier. Je t'ai vu faire la bise au commissaire. J'ai les bleus dans le rétroviseur. Je vais rouvrir le terrain à 10h. Et je me doute qu'on finira sûrement jamais nous deux. S'oublier ou se laisser dans le doute. J'ai le plan, j'ai pas peur de la route. J'suis dans la zone, j'suis sur le raté. Où ça parle en cas.